Les frères savent bien, on se rend pour ton PH 24 OP, je vois pas qui pourrait me stopper. Même que je suis coté, fourtiser tout côté. Je suis pas là pour tricoter, à noter que je vais tout faire sauter. Les moments trouvés pour qui vote est difficile d'imiter. Mon rap d'excité mériterait le JT. Ben ouais, t'as beaucoup jeté, rappeur, beaucoup d'injité. Trop limité, sois pas irrité, je viens te déshériter. J'ai la rime cruelle, la putain de rime de la ruelle. Je fais pas du cruel, mes textes sont des coups cruels. Bonhomme, je suis rodé ici d'un coin maudit. Ma vibe me vient du taudis, mes écrits sont codés. Qui veut mon gâteau, va sombrer comme l'épave d'un bateau. C'est pas très gâteau, les bateaux se mangent des râteaux. Y'a rien à gratter, absolu veto. V'là le jour du ghetto, je nique toi et ton rap gâté, petit mytho. Tu veux mon brevet, piaf dans mon revêt. Tu veux mes love lever, ma cuvée, tu peux crever. Tu veux me lever, braver, le gars du pavé, hein. Tu veux entraver, va te laver, tu m'as gavé. Tu veux mon brevet, piaf dans mon revêt. Tu veux mes love lever, ma cuvée, tu peux crever. Tu veux me lever, braver, le gars du pavé, hein. Tu veux entraver, va te laver, tu m'as gavé. MC c'est tendu, on n'a pas le même compte rendu. Les pendus, pendus, ou le crâne en défendu. J'ai le feu défendu, j'ai le lyric star disant. Dis t'es rare, dis-toi t'es jamais détendu. Faut pas que tu me détestes, je sais que tu me détestes. Sois pas trop cool, t'es gang, plutôt la poule. De toute façon tu connais, j'te balade comme Ronnie. Dis caf ton calvar jauni, le pur saint grâce le poney. Tu pensais tuer, personne t'a dit que tu puais. Tu nous fais suer, avec tes rimes embuées. Faut évacuer, si tu es sans arrêt hué. Chut, reste muet, ton discours est désuet. Qui t'a cru visé, avec ton rap déguisé. Pars pas en guerre avec une arme mal aiguisée. Va donc réviser, t'es usé, c'est la risée. Mais qui t'a creusé, arrosé, à la sauver. Tu files la nausée, je suis overdosé, bozo. Tu n'es qu'un hasard, que viens donc tu faire à Gaza. Reste pas à l'Aza, rame de spi à la casa. Ou va te faire baiser, si t'as rien d'autre à taiser. Il gratte en tocal, ramballe ta matière fécale. Tu sens qu'il met une écale, je suis à l'île, faut que tu fais qu'il t'écale. Il faut que te bandit, là au pays de Candy. Fais péter le brandy, pour tous les gros en continent. Qu'est-ce que tu veux papy, je viens pas te jouer du pipo. J'ai l'essence et le zippo, tu vas manger le tapis. Tu veux nous aider, écris plutôt des BD. J'ai roulé sur ton CD, et sur ton flow de PD. Qu'est-ce que tu viens chanter, ton vécu est inventé. Que tu rappes avec tes centimes, tes stories à 20 centimes. Là je dois tailler, cousin j'ai bien trop braillé. T'es réchauffé si tu tailles, pour me dailler faudra batailler.